les bleus, comme je faisais si bien. J'ai pas pu, seule cette photo, sans les mots. C'était intérieur. paraît-il. Car partant son route en clair, tout volatile y allait chanter son bonheur. J'ai pas pu, j'ai pas su, sauf offrir cette photo entre mes doigts, avec chiles, maïs et tortillas. J'étais ailleurs.